Bien-aimés dans le monde entier, que le Seigneur vous bénisse alors que vous écoutez ceci. Prenez avec moi Matthieu chapitre 7. Nous allons commencer Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Soulignez ceci, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Verset 15, mise en garde de notre Seigneur, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Soulignez encore ceci. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés dans le monde entier, recevez la chaleureuse salutation de l'église qui se réunit ici à Douala, ou particulièrement l'église de Douala et toutes les églises du Cameroun. Nous vous saluons dans tout le monde entier, dans quelques coins que vous vous retrouvez. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Alors, c'est un petit témoignage. Ce que vous allez suivre maintenant, c'est un petit témoignage d'un ancien pasteur qui a marché dans différentes dénominations, en l'occurrence ici au Cameroun, des Compassions Globales de Samuel Tate. Souvenez-vous, Samuel Tate, c'est celui dont nous avons parlé dans l'un de nos enseignements par rapport à la divinité de l'homme. Il disait, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut, en citant psaume, le livre des psaumes, et en tournant les Écritures, en disant que l'homme était un dieu, il peut commander les choses via l'existence. Vous vous souvenez de cet enseignement-là. Donc vous allez voir l'un de ces pasteurs, gloire à Dieu qu'il soit sorti de là. Il a été pasteur également, et pendant qu'il témoignait, vous allez entendre, il dit clairement qu'il travaille encore avec le full gospel, non, pas full gospel, il travaille avec Winner Chapel. Vous connaissez Winner Chapel, la chapelle des vainqueurs. Cette grande chapelle-là qui parcourt le monde, de David au dépôt nigérian, avec la célèbre université à Kenanland, et puis cette grandiose, cette vantardise des bien-être terrestres, des jets privés par-ci. Mais écoutez, ô Biko, combien j'ai pris seulement que ce témoignage puisse délivrer tous ceux qui sont là-bas, et particulièrement les pasteurs et les dirigeants qui sont là-bas, qui savent très bien qu'ils sont en train de faire des entreprises au détriment des gens pour qui le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix. Qu'ils sachent qu'ils seront jugés un de ces jours. Et ce n'est pas leur commandant qui les a nommés du côté du Nigeria qui va les juger. Donc il est temps que vous preniez position pour la vérité après avoir écouté ce témoignage. Même si vous ne faites pas partie de cette chapelle appelée Winner Chapel, vous en faites partie d'une certaine dénomination. Dieu vous appelle à sortir de là-bas et prendre position pour la vérité. L'heure où l'église doit être purifiée, c'est son heure maintenant. Jésus nous prévient dans ce Matthieu chapitre 7 que il y a la porte étroite est assez resserrée. Il y en a peu qui trouvent. La question que je me pose et que je te pose aussi, toi qui m'écoutes maintenant, est-ce que tu es sûr d'entrer par cette porte, ou est-ce que si tu es sur la voie de cette porte-là, si c'est non, mon cher, tu es dans la voie de la perdition parce qu'il n'y a que deux portes. Donc vous allez suivre celui-là, c'est le frère Élie, pasteur de son état. Nous n'avons pas honte de présenter nos noms et ce que nous faisons. C'est pour ça que nous témoignons. Nous témoignons afin que Dieu puisse utiliser ce témoignage pour délivrer ceux qui sont là-bas et surtout pour délivrer les fidèles qui sont tenus captifs. Comment comprendre qu'une personne va aller payer 12 millions de francs CFA pour s'asseoir sur une chaise qui, soi-disant, sort d'un quartier général de Olangui? Comment comprendre que quelqu'un va acheter un calendrier bien-aimé à 500 000 francs CFA? Comment comprendre si ce n'est pas l'envoûtement? Si ce n'est pas l'envoûtement, nous prions au nom de Jésus-Christ que, alors que quelqu'un suit ce témoignage, que la puissance du Saint-Esprit épluche l'écaille de leurs yeux. Oh, bien-aimés dans le monde entier, si vous avez des témoignages comme ça à nous faire paraître, si vous êtes au Cameroun, partout, vous pouvez nous contacter. J'attends vos témoignages. Vous, pasteurs qui voudrez sortir de ces choses, situations également, et vous ne savez pas quoi faire, nous avons la grâce de vous conduire vers la voie de la vérité. Contactez-nous au plus 237. 94 01 94 40. Nous sommes au Cameroun. L'indicatif du Cameroun, c'est plus 237. Donc le numéro de téléphone, c'est 94 01 94 40. Le 75 87. Le 75 87 41 21. Il y a aussi le 33 13 91 00. Nous avons également une adresse Skype. Vous pouvez nous contacter sur Skype. Le Skype, c'est Junior. Et Junior s'écrit J-U-N-H-I-O-R-S. Et vous ajoutez le chiffre 3. Donc Junior 3. Junior s'écrit J-U-N-H-I-O-R-S. Puis le chiffre 3. Vous pouvez nous envoyer également l'email et nous allons vous répondre, bien aimé dans le monde entier. Nous vous envoyons des enseignements et autres. Vous pouvez nous envoyer votre email et nous allons vous contacter. Notre email, c'est Junior. Junior, de la même façon comme je viens d'appeler, J-U-N-H-I-O-R-S. Cette fois-ci, sans le chiffre 3. @yahoo.fr. Nous serons contents de savoir que le Seigneur Jésus-Christ a travaillé et œuvré dans vos vies. Alors que je parle maintenant, quelque chose me dit sur le cœur qu'il y a plusieurs personnes et plusieurs pasteurs qui sont dans le cas de ces frères et qui ne savent pas quoi faire. Pendant 2 ans, la vérité l'a ténaillé, mais ils ne savent pas comment se retrouver. Gloire au Seigneur Jésus-Christ qui connaît ses enfants. Et il a dit clairement que mes brebis entendront ma voix, elles viendront et ne suivront point un autre. Es-tu brebis du Seigneur? Suis sa voix et suis cette voix de la vérité. Sors de ce confort humain. Sors de cette gabegie humaine. Sors de cette prison, de ce Guantanamo chrétien et suis le Seigneur Jésus-Christ comme cet homme l'a fait. Permettez-moi de lire encore un second passage et puis un dernier et puis on va lire. Je vais lire 1 Timothée. Prenons 1 Timothée. 1 Timothée au chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Après, si vous allez nous retrouver le développement de cela dans un autre enseignement. Par rapport à la mise en garde de l'apostasie que le Seigneur avait donnée et les apôtres ont développé par rapport au dernier jour. Maintenant, prenez frère ce passage de 1 Timothée au chapitre 6, à partir du verset 3. La Bible déclare, « Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Les gens qui croient que la piété est une source de gain. La Bible déclare au verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Souvenez-vous de l'enseignement que nous avons fait sur la prospérité, la doctrine de la prospérité, ainsi de suite. Verset 7 dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Verset 8, si donc, bien aimé dans le monde entier, je suis dans 1 Timothée au chapitre 6, à partir du verset 8 maintenant. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 10, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les tentations, dans la tentation. Écoutez bien, on n'a pas dit que ceux qui sont riches. La Bible déclare ceux qui ont déjà le désir dans le cœur, ceux qui veulent. Donc, le vouloir s'enrichir directement, les pièges de tentation sont là. On n'a pas le temps d'entrer dedans, c'est uniquement par rapport au témoignage de ses frères qui je sens de lisse ici. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tout le monde et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous voyez, c'est pour ça que vous allez voir dans vos dénominations, on va dire construisons cette grande et somptueuse palais parce que Dieu est un grand Dieu. Mettons le climatisation, mettons les éclats placement, mais achetons des terrains et les gens souffrent à l'intérieur parce qu'on a raté la chose. Pourquoi? Le désir de l'argent. Quelqu'un veut avoir un monument. Écoutez maintenant, vous voyez, les gens maintenant ont les ministères ont mis leur nom sur les ministères. Wafo Ministry, Mama Olangi Ministry, ainsi de suite, Rebecca Ministry, Suzanne Ministry, Oyodepo Ministry, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, bien aimé, dernier passage, deux pierres, c'est tout simplement pour planter le décor pour que le frère parle. Frère, je vais te laisser parler tout à l'heure, je te laisse parler tout à l'heure afin que tu donnes ton témoignage. La Bible déclare dans 2 Pierre au chapitre 2, la Bible déclare ceci, il y a eu 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Voici la même chose que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 7 aujourd'hui. Il dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Donc, la prophétie est claire. Beaucoup vont aller dans la fausse voie. Beaucoup vont aller vers la fausse voie. Comment comprendre qu'une femme veut de l'enfant, on lui demande d'amener la photo d'un homme à qui il n'est pas marié, qu'on prie pour envoûter cet homme pour que l'homme puisse la épouser, alors que l'homme a aidé à épouser une autre personne. Comment comprendre qu'une femme porte ses photos pour aller, porte l'eau pour aller, on met le sel dans le vagin des femmes pour qu'ils puissent enfanter, et c'est le pasteur qui met dans la nuit. Comment comprendre que des gens prennent des choses chez eux, battent, vendre, porter des marmites, aller vendre pour pouvoir donner des sacrifices afin que Dieu puisse pardonner leurs péchés? Comment comprendre que les gens continuent à être sous le joug aujourd'hui alors que Christ a libéré tout le monde entier par rapport à ces jougs-là? Donc la Bible déclare verset 2 que plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité sera calmée à cause d'eux. Donc normalement, quand on prêche maintenant la vérité, les gens ne croient plus que c'est la vérité. Pourquoi? Parce que le faux a tellement pris le dehors, le faux s'est tellement développé, introduit ses tentacules pendant plus de 2000 ans maintenant, plus de 1000 ans maintenant, de temps en temps, quand la vérité vient, on ne parvient pas à saisir ce qu'est la vérité. Et curieusement, maintenant, vous voyez très bien que beaucoup de pasteurs sont coupables de telle ou telle malversation, d'adultère, de pédophilie, de secte, de magie, d'orgie sexuelle. Parce qu'on entend par-ci de ces choses bizarres dans le monde entier. Et maintenant, quand les vrais bien viennent prêcher, on dit que c'est à cause de vous. Voilà vos semblables. Et il n'y a pas de justification entre nous et eux. Dieu connaît ses enfants. La Bible déclare que la voix de la vérité sera calomniée à cause de verset 3. Par cupidité, souvenez-vous de ces mots aussi, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Bien-aimés dans le monde de l'entier, je suis sûr, et à 100% sûr, que ceux que vous pouvez considérer comme des grands hommes de Dieu ici sur cette terre-ci, on sera surpris au jugement dernier. Ne vous inquiétez pas, ça c'est à 100% sûr. Parce que si un homme est élevé sur cette terre-ci, il est disgracié en haut. Alors je vous laisse suivre le témoignage de ce frère, écoutez attentivement, repassez le témoignage, distribuez à tous ceux que vous connaissez afin que les gens en soient libres. Si vous connaissez des ténors de cette dénomination qu'on va citer ici, ICU au Cameroun, ICU c'est une école, je ne sais pas trop comment ils appellent ça, c'est une brigade de formation de fous, un centre d'entraînement des gens pour aller exercer à la cupidité. Et ils ont également ce qu'on appelle l'ambassade du Saint-Esprit où on met le cachet pour le mariage, le cachet pour la guérison, le cachet pour les enfants, le cachet pour le succès, le cachet ainsi de suite, le cachet des blasphèmes. Il y a également Compassion Globale de Samuel Tato qui jadis était apôtre et désormais est prophète. Enfin, c'est l'inverse. Donc avant, il était prophète, maintenant il est apôtre. Comment il est devenu? Vous allez voir comment le scandale est sous le pasteur. Alors, il y a aussi Winna Chapel et tous les autres. Bien-aimés, je prie et je vous recommande à la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je vous recommande à la parole. Vous qui m'écoutez maintenant, si vous avez des livres de ces jeunes hommes, quel qu'en soit le nom, Chris Oyakilo, mais n'importe qui dans le monde entier que vous avez dans votre maison, c'est le moment de prendre et de les brûler et rester seulement et seulement avec votre Bible. Allez au-devant de Dieu afin que Dieu vous nettoie, bien-aimé. Vous êtes mal barré si vous vous confiez aux hommes. Vous êtes mal barré si vous vous confiez aux hommes. Si vous remettez votre confiance aux hommes, vous êtes fini. Alors je vous recommande entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, entre sa parole, qu'il prenne soin de vous et qu'il vous donne de comprendre que les écailles tombent de vos yeux afin que vous, alors que vous écoutez ce témoignage. Que Dieu vous bénisse. C'est à vous. Voici notre frère. Viens, comme ça, tu vas parler au milieu de l'assemblée. Bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mm-hmm. Donc, parle au milieu de l'assemblée. Mais de temps en temps, je vais t'interrompre pour orienter la question pour que les gens comprennent, d'accord? Alléluia. Mm-hmm. Pour cette assemblée. Bonsoir. Tu es frère Élie. Mm-hmm. Il me regarde parce que ça veut dire Élie. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu parler. Alors. Comme le frère vient de dire, que c'est une erreur. D'ailleurs, on l'a plus dit, j'ai donné ma vie à Jésus depuis tel moment. Ok, c'est déjà depuis. Alléluia. Amen. Bon, ben, je reconnais ce dire pour cela depuis 2008. Et parce que je cherchais Dieu, de tout cœur. Je voulais voir à quoi Dieu ressemble. Alors, j'ai commencé à ce moment-là de fréquenter des assemblées. Commençons par une assemblée qui est passée pour citer ici. La compassion de bas, ça ne jette pas. Pourquoi, quand je lis la Bible, vous êtes dans la Bible que quand on est ennemi, on est des frères. Mais un frère ne peut pas voir comment l'autre souffre. Il est hors de question d'être bien vêtu, bien mangé, et à côté de toi, quelqu'un souffre. Or, quand je suis arrivé là-bas, je m'attendais à voir cela. C'est bien, c'était pas le but pour moi, c'était de chercher Dieu. Je n'ai pas vécu cela personnellement, mais je voyais ce qui se passait. Je constatais que dans les assemblées, les gens ont changé ce qu'on appelle le christianisme. C'est-à-dire que c'est de l'anarchie. Ce que qu'on appelle, surtout qu'on construit les églises, on dit maison, parce que maison, église, palais. Non, c'est de la nappe, c'est de la nappe. Donc c'est la frappe. C'est-à-dire c'est la frappe en quelque sorte. Ce sont des boutiques. Je vous dis, je suis encore là-bas présentement. Je suis venu ici aujourd'hui seulement. Je suis pasteur quelque part là-bas. Tu vas donner le nom, frère, ne t'inquiète pas, on va te donner le nom avant. C'est de quoi il est question. Ce qui fait que j'ai beaucoup vu. Mère, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Amen. Quand le temps de Dieu est arrivé, qu'il devait connaître la vérité. Un jour, il y a 2 ans, j'ai suivi le frère parler à bonne nouvelle. Et j'étais persuadé qu'on devait l'interrompre. Parce qu'il avait le sens. Il savait ce qui s'est passé exactement par ces gens. Et moi, j'avais certains principes. Comment faire pour venir en aide à ceux qui souffrent? C'était mon problème. Or, là où je vis, là où, j'enseigne, là où, je travaille avec eux, je n'ai pas cette possibilité. Parce que nous avons les principes. Au-dessus de vous et oui, au-dessus de nous, nous avons les principes. Nous devons marcher selon ces principes. Oui, frère, quels sont ces principes? Voilà, frère, s'il te plaît, tout à l'heure, tu vas parler de ces principes parce qu'il faut que ça nous enseigne. Pour que les gens comprennent comment ça se passe dans ces choses. Tu es l'un des prototypes que le Seigneur nous a donné parce que je me demandais comment les gens avaient à faire pour manipuler les gens là-bas. Donc, tout à l'heure, tu vas parler de ton expérience là-bas dedans. Comment tu es pasteur. Comment, qu'est-ce qu'on vous a dit? Comment on a, on va toucher ça tout à l'heure là. Alléluia. Je vais commencer par la compassion globale où j'étais un des dirigeants là-bas quand je suis arrivé. Puis j'étais trop zélé, franchement. Moi, je pensais que mon zèle, ce qu'on me demandait de faire, ça plaisait au Seigneur. Je ne savais pas que ce que j'étais était mal. Mais jusque-là, avec mes yeux charnels, je savais que ce n'était pas bien parce que je voyais les gens qui souffraient. Et je voyais comment. On déposait les paniers, on remplissait d'argent. Et les gens sont pauvres à l'intérieur. Les gens sont pauvres. Et ces mêmes fidèles, on ne peut pas les recevoir. On ne peut pas venir en aide à quelqu'un. Je vous dis, j'ai vu des gens malades qui sont venus partir nous demander de l'aide. Avec l'argent que je vois, on ne peut pas venir en aide. Et quand il faut recevoir, moi je sais une chose. Un pasteur est comme un docteur. C'est-à-dire que la maladie est souvent psychologique. Quand vous arrivez devant un médecin, vous voulez voir un médecin, je vous dis. Et on vous envoie plutôt voir un infirmier. Ça ne marche pas. Vous pouvez mourir alors que vous voulez guérir. Parce que suffisamment, j'ai été malade. Je me suis couché dans les hôpitaux. J'ai vu comment le blanc se comportait. C'est-à-dire que le blanc voit une maman qui est en train de mourir. Dès qu'il vient s'asseoir, maman, tu as bien dormi. Il touche pas assez. Ah non, je vais encore plus qu'elle remette. Ça vous assure, cette maman-là ne peut plus mourir. Elle dit, le docteur m'a touché. C'est le médecin qui m'a touché. C'est ce que je voyais. Et la maman qui était vraiment mourante, vous voyez comment elle se relève. Maintenant, à la compassion globale particulièrement, si vous voulez suivre un fichier, solution, suivez, si vous pouvez suivre. C'est-à-dire qu'il n'a pas le temps de certaines personnes, de ses brebis, mais il a le temps de ceux qui viennent de l'étranger. Quelqu'un n'est pas sorti des États-Unis et je ne reçois pas parce que vous avez vu. Non, je reçois là-bas parce qu'ils sont sortis de l'Europe. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il sait que là-bas, il y a de l'argent. Le dollar. On vient avec beaucoup d'argent de là. C'est pourquoi il faut recevoir ceux qui viennent de l'extérieur. Cela m'a fait tellement mal. Mais je suis quitté de là, pas parce que, à l'époque, je n'étais pas encore enseigné. J'ai passé à distance pour moi, c'était long. Puisque à l'époque, je ne faisais presque rien, ou encore ce que je faisais, ne venait pas. Je marchais des pieds dans bonne compassion, parce que je voulais servir du Seigneur. 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Le mardi, le jeudi, voire même 4 fois. Le dimanche et le vendredi, parce qu'il y avait une prière. Et quand je voyais ça, moi, ça me faisait mal. Après cela, je suis allé dans une assemblée de... Le professeur Tadeu Zachary. Mais quand je suis parti m'asseoir là-bas, on a prêché pendant longtemps. J'attendais voir qu'on dépose des paniers. Je n'ai pas vu. Tu as dit, Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'avais préparé mon enveloppe parce qu'il n'y a pas d'enseignant qui écrit, je prépare mon enveloppe. Je dis, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Le fait qu'il avait amené, il demandait après. Enfin, l'église est finie. Ils ne donnent pas les offrandes. Il me dit, non, on ne donne pas les offrandes. Mais on donne les églises des maisons. Moi, ça va parce qu'on avait l'église des maisons. C'est lui-même qui m'a appris ce qu'on appelle, enseigné ce qu'on appelle église des maisons. Mais il dit que non, les offrandes ne sont pas ici. Ça se donne dans l'église des maisons. Et si tu as quelque chose à faire, tu peux partir de nous au bureau. Okay. Après ça, maintenant, puisque Winner Chapel était à côté de moi, je me suis décidé donc d'arriver à Winner Chapel. Pour toi, c'était que en fait, si quelqu'un est chrétien, ça veut dire c'est chrétien. Oui, c'est chrétien. Mm-hmm. Quand tu es chrétien, moi partout où j'arrive, je suis chrétien, protestant, je suis chrétien, moi j'y vais. C'est sur moi que j'y vais. Mm. Mais quand je suis arrivé, c'est pas un déconseil, c'est pas un déconseil, ok. C'est ça que c'est des anglophones, mais c'est moins grave. C'est que l'autre là. Ah. Quand le Seigneur m'a appelé, parce que j'ai l'appel pastoral, ça ce n'est pas l'appel de l'homme, c'est l'appel de Dieu. Mm. pendant ce moment, quand eux-mêmes ils ont remarqué cela, ils m'ont appelé. Ils m'ont passé à l'interview. Ils m'ont dit, frère, si on ne te prend pas ici comme pasteur, tu vas créer ton église. Moi, je ne savais pas que l'église n'était pas. C'était bien. Moi, ça était bien. Ils ont proposé en face. Ce n'est pas vous qui l'avez appelé pasteur. Si vous ne prenez pas et que Dieu vient de créer l'église, il vient ouvrir l'église. Il s'est scandalisé de me voir dire ça. Je dis que non, c'est sincère, c'est avec respect, ce n'est pas l'orgueil. Mmh. Juste sincère avec vous. Alors, pendant les enseignements, on nous a formés, on nous a passé, on a eu des enseignements par rapport à ça. Et training. On nous a fait comprendre que. Ah, je vais vous dire. S'il vous plaît, écoutez très bien. Pendant même cette réunion pastorale, je me rappelle une personne qui nous a dit, vous savez que ça, c'est notre part d'entreprise. Écoutez très bien. Ah, le jour qu'il a dit ça, franchement, j'étais recroché sur moi-même. Tu étais brisé pourtant quand tu pensais que il servait Dieu sincèrement. Oui, il a dit. Je vais pas citer son nom, je vous assure. Il nous a dit, c'est le doute. Pardon? Le pasteur qui est parti. Pourquoi laisse le nom? Quand l'apôtre Paul a dit que. Bon, c'était le pasteur, moi. Attends, on rectifie ici. Quand l'apôtre Paul a dit que Hyménée et Philette, quand il a dit que Jeannès et Jambres, quand il a dit Alexandre m'a fait beaucoup de mal. Si par exemple que. On m'a fait du mal à Éphèse. Et il ne prévient pas Timothée la personne pour que Timothée prenne garde à lui. Comment on va faire? Frère, quel est son nom? Alors, c'était parce que Pasteur Maha. Maha. Ok, le foot on appelle de Winner Chapel. Winner Chapel, il est parti. C'était un Nigérian. Ça, tout sont les Nigérians. Uh-huh. Parce qu'on les affecte toujours. Vous allez voir que. On les appelle pour venir surveiller. Au niveau de Winner Chapel, particulièrement, le quartier général. Oui. Parce que le quartier général, c'est Dogon. C'est ça qui couvre tout l'Afrique centrale. C'est tout le monde, voilà, qui court tout l'affaire centrale. Donc, c'est toujours les gars qu'on envoie ici être pour coordonner. Vous ne verrez jamais un Camerounais. Pour que l'argent entre sur, pour être sûr qu'il contrôle la personne. Voilà. Maintenant, lui, avant de partir, il y avait un autre. Nigérian qui était affecté. Lui, avant lui, je vous dis, il se tient devant, il dit l'église a besoin des grands placements ici. Qui sont les volontaires? L'église avait 10 personnes. Vous voyez comment les gens sortent. Les gens sortent et ils achètent. Avant de sortir, on peut cotiser facilement 10 millions en salle. Mais ce qui est aberrant, vous pouvez voir le moment qui marche, qui ne parle pas à marcher. Celui qui donne 10 millions, qui donne les 2 millions, les 500 000, il est incapable de payer le taxi à ce moment. Nous qui travaillons, si on vous donne le salaire, vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'on fait entrer de l'argent. Et c'est le principe. Comment faire entrer de l'argent, frère? Non, c'est de prêcher la dîme. C'est de prêcher la dîme. Si tu ne donnes pas la dîme, tu ne seras pas béni. Pour que tu sois béni, pour que Dieu protège tes biens, il faut donner la dîme. Il faut les offrandes sacrificielles. Toi, tu as un problème. Non, il faut. Comment vous faites ça? Vous, en tant que pasteur, comment vous faites ça? Vous sortez avec la Bible comment? Comment vous prenez la Bible? Vous restez au pupitre? Vous parlez comment pour convaincre les gens, pour que les gens viennent donner l'argent? Comment? Parce que quel est le message de lui? Quel est le message de 14 ans? On vous dit, je prends du 38 par exemple. Mm-hmm. Hein? Lui, c'est verset 38. Mm-hmm. Il dit, qui donne peu, moissonnera peu. Vous comprenez? Mm. Je rentre dans Malachi 3, verset 10. Voilà. Amenez à la maison du trésor toutes les dîmes. Et les offrandes. Personne n'ose te poser la question alors que les maisons. Comment on va poser? Vous êtes sûr que le pasteur est le bishop. C'est lui, non? Il sait de quoi il parle. Et on vous convainc. Vous dites, c'est ça. Et il y a les enveloppes qu'on a confectionnées pour cela dans les enveloppes. Non, le pasteur n'a pas confectionné, mais on vient avec. On achète des enveloppes dehors. Mm-hmm. Il y a toujours les enveloppes. On distribue. On ne vend pas. Pour être sûr. Il y a les carrés de dîmes. Pour être sûr que les pièces d'argent n'ont pas. On vend tous les livres, mais on ne vend pas le carré de dîmes. Le carré de dîmes se donne. Par contre, les livres se vendent. Pour être sûr que chacun aura son canal de dîmes. Pour être sûr que chacun. Parce que le canal de dîmes, c'est contrôlé. J'ai déjà payé la dîme. Ça, je vous dis ça. Que ce soit la compagnie, n'importe où, j'ai déjà payé la dîme. Mon collègue avec qui je travaillais, avec qui je travaille, parce que je suis encore en poste. Tu as Winner Chapel qui est à village. Newton, à l'aéroport. Mm-hmm. Il m'a posé la question un jour de savoir, pasteur, on m'a demandé de te dire où est-ce que tu payes ta dîme. Dans un cas au quartier général, quelque part, on en a discuté là par rapport à toi. Vas-y. Mm-hmm. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas voulu le frustrer. Mm-hmm. J'ai fait comme je n'ai pas compris. Mais attends, entre-temps, tu sais que tu connais la vérité par rapport à la dîme. Oui, je connais. Quand tu connais la vérité. Je connais la vérité. Mais... Pourquoi? Parce que j'ai eu à suivre beaucoup. J'ai suivi Chora. Il dit en France, parce qu'il est en France. Je l'ai suivi beaucoup parce que c'est par rapport à Dim. Et tu as compris, c'est la vérité. J'ai compris. Parce qu'il donne les versets. Ouais. J'ai eu à lire ça pendant longtemps. Oui. Mais là, quand tu as suivi, tu connais la vérité. Et dis certainement qu'on vous a d'abord arrangé à mentir. Et vous êtes deux. Comment tu fais désormais quand tu es devant les gens connaissant la vérité? Comment tu fais? Frère, moi, je n'ai jamais prêché par rapport à Dim. Bon, quand tu vis seulement. Je ne prêche jamais par rapport à Dieu. Je n'ai jamais prêché par rapport à Dieu. Puisque moi, déjà, je ne paye pas. Donc, c'est son collègue. Moi, si je ne paye pas, je dois prêcher. Donc, c'est ton collègue qui m'attend. Il est spécialiste. Ça, c'est clair. Puisque moi, déjà, je ne paye pas. Je ne paye pas. Quand je fais la prochaine, je demande de faire. Non. Même les souffrants, quand je vais de l'autre, vous ne savez pas. Je n'ai pas besoin de. J'ai les versets que je lis dans la Bible, d'accord. Parce que vous avez dit. Je le dis. Parce que les souffrances sont normales. Parce que je vois dans la Bible, au moins. Oui, je vois au moins dans la Bible. Parce que c'est normal, les enfants sont normales dans la Bible. Mais ce qu'on appelle la dîme, j'ai eu à discuter avec les pasteurs, mais pourquoi c'est que la dîme? Moi, je ne vois pas la dîme dans le Nouveau Testament. Et nous sommes à la période de la grâce. Mm-hmm. Je ne vois pas la dîme. On m'a renvoyé dans Hébreux 7. Mais quand j'ai lu Hébreux 7, je n'ai rien ressenti. Mais comme je veux rentrer, je suis resté calme dans mon coin. Tu es aimé. Alors que tu es devant nous maintenant, comment est ton cœur et comment est ton regard? Quelles sont tes décisions? Bien aimé, mes décisions ne se sont pas prises aujourd'hui. J'ai pris ma décision depuis le jour où j'ai. Il y a deux ans, même si j'étais encore là-bas, j'étais en train de vous chercher. Je cherchais à rencontrer le frère parce que de ce jour, je ne connaissais pas à qui il ressemblait. Mais j'ai eu la grâce, Dieu sait comment il fait ces choses. Moi, je suis en route, je fais dans le téléphone portable. Le frère Jeannot. Il est passé un jour, c'est parce que c'est passé. On a eu, on a fait pour avoir le contact. Je ne peux pas me rappeler. Depuis ce jour, on le suitait. Je lui ai demandé un jour, mais frère, tu persévères où? Il a ri. Il a ri. Il a dit, mais ça veut dire quoi? Il dit non. Ton église, c'est où? Il a dit, frère, prends la Bible. Tiens, la Bible, il dit, j'ai tué la Bible. J'ai sorti la Bible. Il a dit non. Nous, on fait les églises de maison. On fait les églises de maison. Les églises de maison, comment? Ça veut dire que bon, attends, vous ne payez pas le courant là-bas, vous ne payez pas l'eau, mais ça veut dire qu'on doit faire des offrandes. Ça se passe comment? Et un jour, il y a un pasteur qui a voulu travailler avec moi. Pardon, il m'a demandé, il était toujours derrière moi, même toujours derrière moi. Je lui ai dit, pasteur, je ne veux pas venir avec toi, mais j'ai des expériences. Je veux te donner mes idées et tu vas partir mettre ça en marche. Tu vas voir que ton église va grandir. Puisque dans les églises, on ne cherche que les fidèles. Parce que quand tu as les fidèles, il y a de l'argent. Je lui ai dit, pasteur, j'ai horreur de vous voir bien habillé et de voir les fidèles mal habillés qui n'ont pas mangé. On donne les fidèles. Vous dites toujours, chacun a quelque chose à donner. La femme veut avoir donné 10 francs. Et c'est tout ce qu'elle avait. Ce que vous avez l'habitude de dire, elle, c'est bien. Il dit, mais qu'est-ce que tu penses faire, pasteur? J'ai dit, ok. En ce qui me concerne, si tu as 500 000 francs de dîme par mois, va dans les 500 000 de dîmes, prends 300 000. Fais des groupes d'hommes, des groupes de femmes, des groupes de jeunes. Qui sait faire quoi, qui ne sait pas faire quoi. Si c'est que 500 000 francs, donne-les ça comme prêt. Comme prêt. Donc maintenant, ils vont partir faire, c'est l'eau glacée. Tu vas dire, ok, va acheter un seau et la glace. Tu commences à marcher avec. Si c'est le bois, va faire le petit bois de chauffage. Tu commences à 100 francs. Tu vas voir que peut-être en deux mois, la dîme des hommes vont grandir. Quand les fidèles eux-mêmes aussi vont grandir, ils vont venir donner la dîme sans souffrir. Ils ont dit, on va mettre ça en pratique. Bon, je ne sais pas s'il a fait. Puis, il t'a plus cherché. Il m'a plus cherché. Je ne sais pas s'il a fait. Bien-aimé, vraiment, je vous dis, c'est la grâce. Si, peut-être que vous avez la chance de ne pas passer par là. Si vous étiez passé par là, vous devez voir les choses. On a subi. Ce n'est pas. Les gens ne sont pas dehors. Subi. Il y a les pasteurs et les pasteurs, ils ne sont pas dehors pour les âmes. J'ai compris, le frère, et lui dit que le robinet ne boit pas l'eau. Le robinet donne l'eau. Ça m'a marqué encore. Ça m'a encore marqué. Parce que ces gens-là boivent de l'eau. Ce sont les robinets qui boivent de l'eau. Je vous assure. Ce ne sont pas les robinets qui libèrent l'eau. Il ne libère pas les eaux. Il boit ces eaux-là. Et c'est bizarre. Parce que vous allez voir les gens. J'ai été à l'université chrétienne chez Nembo. J'y étais. Je vous rappelle. Écoutez. Un jour, pendant que j'étais assis, voilà un peu comment il prêche. Il dit, mais c'est pas normal. que vous venez ici en salle, je prends un exemple, vous travaillez à Bonanjo. Ça va me marquer. Et j'ai dit au frère, vous avez de la côte à la boutique là. Il dit, vous venez, vous êtes à Bonanjo, il est midi, vous partez, le plat de nourriture coûte 3000 francs à Bonanjo. Et parfois vous partez même avec un ami, ça fait 6000 francs. Une bouteille de bière coûte 1000 francs. Donc vous dépensez facilement 8000 francs pour vous deux. Mais à ma grande surprise, quand vous arrivez ici à l'église, on chante, vous dansez, vous dansez, vous dansez. Après, verset 20 dans le panier interne. Qui dit comme ça? Le pasteur Nembot. Jérémy, celui qui est à l'ICU. Celui qui est à l'ICU. Il paraît qu'on était pourtant là. Moi, j'étais sidéré. J'allais lui poser cette question. J'allais lui poser une question. Ça, c'est où? C'est lui qui est à l'ambassade. ICU. Ça, c'est à l'école qui en a dit ça. C'était à l'école. C'est à ICU qui disait ça. Wonderful. C'était pas le. Parce que à ICU, il y a toujours les offrandes. Hein? Il y a toujours les offrandes. Quand on part à la cour. Attends, quand on fait l'école pasteur, il y a l'offrande pour ça. Où est l'offrande? Qui donne le pasteur qui donne l'offrande là-bas? Les élèves donnent l'offrande. Les étudiants, tu veux dire ainsi. Les étudiants qui sont étudiants pasteurs. Les étudiants pasteurs, ils donnent des offrandes. Pourquoi? Parce que quand il y a une pause. À midi, il y a une pause de 30 minutes. Pendant la pause, on revient maintenant à la pause. On organise un certain truc. Je ne sais pas comment expliquer ça. Tu es venu pour avoir l'argent. Dès qu'on organise ça, les témoignages, voilà, c'est les témoignages. Les témoignages vont passer peut-être à 1 heure ou 30 minutes. Pendant ce témoignage, il y aura maintenant les offrandes sacrificielles par rapport au témoignage. Et encore, quelqu'un qui va se dire, et à une chapelle, il y a une femme. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez eu la chance de voir nos chapelles au Nigeria, je ne sais pas. Et les universités. Avant l'université, oui. Je vous dis, vraiment, je ne pense pas que Rome va voir que ça. Hein. Donc ça va dépasser Rome bien. Je pense que ça va dépasser Rome. Et c'est l'université la plus chère. Et c'est ça, c'est à la sueur des fidèles. Et c'est l'université la plus chère. Oui. Et c'est les chrétiens qui viennent fréquemment parce que les chrétiens sont pauvres. Oui. Et c'est eux qui financent. C'est eux qui financent. Au lieu de pour lui-même. Et en plus, ça, il a carte jet privée. Lui-même, je lui ai dit, il prêche. Parce que nous, quand on fait les réunions pastorales, c'est lui qui prêche. C'est lui qui prêche. C'est lui qui parle au pasteur du monde. Parce que c'est ce satellite. Mmh, c'est le satellite. Il parle au pasteur du monde. Mmh. Et quand tu parles, vous comprenez comment il prêche par rapport à la dîme. Il dit qu'il y a des gens qui peuvent donner 500 millions de dîmes. Dieu refuse. Parce que c'est qu'ils en ont plus. Mmh. Vous comprenez? C'est ça que vous comprenez, vous aimez un peu ça. C'est-à-dire qu'il nous est fait d'abord. Mmh. Il sait que vous avez l'argent, vous avez 500 millions, Dieu ne prend pas ça. 500 millions, Dieu ne prend pas ça. C'est-à-dire que c'est le superflu. Mmh. Vous pouvez donner mieux que ça. Dieu regarde ce qui reste dans la bouche. Vous comprenez un peu? Donc, et c'est de cette manière qu'on tourne. Donc, c'est comme ça qu'ils font pour attraper le pasteur et pour utiliser parce que le pasteur arnaque les gens. C'est comme ça. Les pasteurs sont faits pour arnaquer les gens. Ça va vous dire, on va parler. Mm-hmm. Je vous dis. Il fait, par rapport à Winner Chapel, il fait son livre, il est au Nigeria. Comment toi, parce que il parle parce que toi, tu donnes par rapport à ton expérience. Oui. Tu es avec le pasteur. Oui. Le livre fait comment pour venir là-bas et comment vous faites pour que les fidèles puissent acheter? Comment non, vous faites pour publicité autour? À Winner Chapel, ici au quartier général. Uh-huh. Vous pouvez aller voir. Ça vient de chaque mois. Il y a un livre de chaque mois. Chaque mois, il y a un livre de mois. Donc chaque mois, il y a des livres. Mm-hmm. Donc ça sort du Nigeria, on distribue, ça arrive au quartier général qui est dans le monde. Oui. Et on distribue maintenant dans toutes les branches. Dans la station de l'Afrique centrale. Oui. C'est comme ça qu'on vend. Et les fidèles, comment ils font pour ça? Les fidèles sont... Nous prêchons cela. Vous devez acheter le livre de moi. Ce moi, c'est un livre. C'est ça qui va vous bénir. C'est ce livre du moi qui va vous bénir. Par rapport à telle situation. Vous avez dit d'aller acheter les livres ou de passer par moi, il faut avoir 5-6 livres. Bon frère, à moins que ça ne soit de la magie, suivez mon regard parce que je suis curieux tout simplement parce qu'il veut qu'on comprenne les choses. Si ça se passe comme ça depuis des années, certainement si les gens me donnent l'argent, ça suppose qu'ils sont bénis. Ça veut dire qu'il y a le résultat. Mais frère, puisque les gens le disent, il y a les témoignages, venez vous voir les témoignages. Quand quelqu'un dit que je suis béni par rapport à ce que le passage avec cité, par rapport à la dîme. Quand à la fin du mois, je donne ma voiture et ma femme a pleuré, mais j'ai dit à ma femme que laisse, je vais donner ma voiture et tout le salaire du mois, j'ai donné comme dîme. À ceux qui suivaient, voilà ce que Dieu m'a fait. Mm-hmm. Bon, maintenant, honnêtement. Avec ça, c'est ce voyage. Mm-hmm. Ça galvanise d'autres. Les autres personnes. Il n'y a pas de souvent de coups montés pour venir faire des choses comme c'est ça. C'est pas souvent les coups, c'est les ignorants. Mm-hmm. C'est souvent les coups, parce que même ceux qui le font, mm-hmm. ils pensent qu'ils font pour Dieu. Mm-hmm. Ça, c'est clair. Mm-hmm. Ils dit parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de battre. Mais ils ne savent pas qu'en venant faire publiquement, ils gardent les gens de venir davantage faire. Justement. Et les pasteurs savent qu'en utilisant ça, c'est une technique pour moi. C'est pourquoi on dit témoignage. Mm-hmm. Quand il témoigne à ce moment-là, mm-hmm. quand il fait ça, il dit ce qu'il a fait. Quand il a fait ceci, il a fait cela après. Et il demande encore que celui qui me comprend fait aussi comme moi. Tu verras ce qui va se passer. Quand le pasteur applaudit maintenant très fort. Et l'assemblée applaudit. C'est un peu ça. Et ceux qui le font, oui. ils ne le font pas parce qu'ils se vendent. Non. Ils font parce qu'ils pensent qu'ils bénissent Dieu. Ça, c'est clair. Ils croient qu'ils bénissent Dieu. Ils ne savent pas qu'ils bénissent l'homme de Dieu. Je vous rappelle, un de mes collègues, un jour, il prêchait l'évangile il a fêté maintenant. Mm-hmm. Il a dit un jour, avant telle année, aurait était milliardaire en dollars. Il a prêché l'évangile. Il a prêché l'évangile. Il nous dit, étant un jour, aurait était milliardaire en dollars. Ça m'a sidéré. Ça m'a fait un genre. Or, je me suis posé la question, il travaille quoi pour être milliardaire en dollars? Qu'est-ce qu'il travaille? Il travaille où? Donc vous comprenez un peu comment le système. Le système, c'est un système. C'est un système. Voilà le système. Et à ICU, tu as parlé de l'école. Oui. Comment tu as fait? Tu es sorti là-bas finalement? Tu as eu le diplôme? C'est comment? Je n'ai même pas fini l'année. Qu'est-ce que c'est? Je n'avais pas fini l'année. Parce qu'à ICU, d'abord, chaque mois, il fallait payer 12 000 et les livres obligatoirement. Il a sorti un livre sur le Saint-Esprit. Ce livre, pour qu'on accepte encore deuxième trimestre, c'était obligatoire, c'était 5 000 francs. Et puis il y avait les gens à l'édicace, il y avait des gens qui trouvaient un seul livre à 5 millions. Ça, je vous dis, c'est ça. Un livre à 5 millions. Le Saint-Esprit, le même livre que vous allez acheter à 5 millions. À 5 000. Il y a des gens qui ont acheté à 5 millions. Il y a des gens qui ont acheté à 1 million. Donc, il n'a pas de prix. C'est ça, la dédicace. Et les étudiants étaient obligés d'avoir ce livre avant de faire en classe. Et tous les livres qu'on sort, il y avait en première année, il y a environ 6 livres. Et puis, il devait avoir ce livre. Et un livre coûte au moins 3 000 francs. C'est le Saint-Esprit qui a dit, je n'avais pas acheté. Mm-hmm. Moi, il dit, je n'achète pas ce livre. Tu as dit que tu ne quittes pas. Je lui dis, je n'achète pas ça. Parce que, après, vous savez, frère, je vous ai dit, je suis passé un peu partout, même au combat spirituel. J'étais. Avant d'aller au combat spirituel, je n'avais pas encore compris. Je ne cherchais pas encore Dieu. Je partais en malade. Je partais voir ce qui se passe là-bas. Mm-hmm. Tu sais, les gens fuient. Ils ne fuient pas trop les choses. Mm-hmm. Tu veux voir. Je vais pour voir. Vous voyez comment on anarque les gens. On a vendu un jour. Un siège, un truc blanc comme ça là, à deux personnes qui ont payé 12 millions. Parce qu'on dit, si les gens s'assoient ici, il sera béni par Dieu. Attends frère, là, explique-nous bien. C'est-à-dire que quoi? On vient, vous permettez l'expression, on vient à l'église, oui. Les sièges sont vides comme ça. Les sièges sont vides. On dit que c'est pour que quelqu'un s'assoie ici. On porte par exemple un siège, c'est-à-dire c'est peut-être un séminaire. Oui. Parce que voilà un séminaire par exemple. Oui. On porte un siège. On vient un peu devant. Mm-hmm. On dit voici la bénédiction que Maolangui a envoyée. Ça, c'est une bénédiction où quelqu'un va s'asseoir. On vend ça. C'est le peu en chérisseur qui doit s'asseoir là-dessus. Oui. Donc, si quelqu'un veut s'asseoir, c'est sûr qu'il a ça peut acheter. Oui. Donc, okay. il va rentrer chez lui avec la chérisseur. Ne pas avec. C'est où t'asseoir, tu es béni. Donc, tu t'assois comme ça là. Tu es pas bénédiction. Et pour, avant de faire comme ça là, il faut donner de l'argent. Ce qu'il faut acheter pour s'asseoir là-bas, il y a eu deux personnes qui ont acheté cette place. Attends, deux personnes. Il y a deux personnes. Parce qu'il y a eu beaucoup de candidats. 500 000. Donc, attends, on fait comme ça, on fait les enchères. On monte. Oui, on passe l'enchère. À l'assemblée comme ça. Là. À l'assemblée. Va tu l'enchères. On vend, on achète. On achète. La main, il y a eu 11 millions. Il y a eu 12 millions. Tu as dit 12 millions. Ils sont restés comme ça. Entre temps, il y a plusieurs fidèles qui sont assis comme ça. Là. On voit. Les gens sont assis, on voit. Ça y est dépassé déjà. Après, on dit ok. On va leur donner les deux chaises. Ils sont bénis les deux. Pourquoi on ne rate pas les 11 millions et les 12 millions, Ils vont s'asseoir là-bas. Et les deux vont s'asseoir. Tu t'assois, tu quittes, tu t'assois, vous êtes venus. Pour que ça s'assoie, 20, combien de millions? 23 millions. Les portes-clés. On voit les portes-clés avec la photo de maman Olangui et papa Olangui. Ça n'a pas de prix. On dit, passez un porte-clés, vous allez, quand vous assistez à votre voiture, vous êtes venus. Ça vous ouvre les portes. Vous êtes venus, vous pouvez aller n'importe où avec les portes-clés ici. Quand vous mettez sur les clés, vous êtes protégés. Ça, c'est la photo de maman Olangui et papa Olangui. Vous avez leur onction. Frère, je dis, hein, qu'est-ce qui pousse les gens à aller donner, malgré qu'on est en train de mentir? Qu'est-ce qui, selon toi, ton expérience, c'est quoi au juste? Frère, on n'est pas en train de mentir d'après eux. Mm-hmm. Et ça, parce que quoi, j'ai eu à discuter beaucoup avec les grandes personnes qui ont mis des 5 ans, 10 ans là-bas. Mais étant, même jusqu'aujourd'hui, je discute avec eux, je n'ai pas envie d'aller convaincre. On dit à un homme qui est là-bas, donc tu sais la petite, tu raisonnes trop, tu es là pour raisonner. Je ne raisonne pas. Lis ta Bible. Ma Bible ne me dit pas ça. Est-ce qu'il faut acheter? On n'achète pas Dieu. Est-ce qu'acheter Dieu? On dit, non, tu n'as rien compris. C'est la bénédiction. Tu aimes trop raisonner. Tu penses que tu n'as pas l'argent. Oh, ils disent que eux qui donnent. Pour eux, on ne l'arrête pas. C'est pour recevoir, c'est pour servir Dieu et pour recevoir la bénédiction. Donc honnêtement, ils sont là. Honnêtement, ils sont là comme ça. C'est ces gens déjà avec le cerveau lavé. C'est pas qu'ils partent là parce qu'ils donnent parce qu'ils ont voulu. Ils veulent se faire voir. Non. Mm-hmm. Ils ne peuvent pas se faire voir. Mais font ça sincèrement. Ils vont sincèrement. Ils sont aveuglés. Aveuglés. Quels les gens qui sont sortis là-bas? Gloire à Dieu. Et un papa, je suis ici avec lui aujourd'hui. Il m'a dit lui-même, papa Longo, il a acheté un calendrier à 500 000. Calendrier 500 000, il me l'a dit. Et c'est le calendrier de... Il y a les classes. Écoutez, s'il vous plaît. Mm-hmm. Il y a les classes. Il était chef de classe. Maintenant, attends, lui, il était quoi? Chef de classe. Chef de classe ou à l'école? Vous savez, là-bas, il y a les salles de classe. Première année, deuxième année, troisième année. Où ça? Oui, au combat spirituel. Au combat spirituel. Donc, attends, parce que le but, c'est tous les jours. Uh-huh. C'est tout, il y a les collèges, les enseignements tous les jours. Uh-huh. Et par rapport aux enseignements, il y a les classes. Par rapport aux enseignements. Donc, tu passes de une classe, tu passes à une autre classe. Il y a les classes d'affirmissement. Oui. Ça, c'est, il y a les classes d'affirmissement. Uh-huh. Ok, je comprends. Vous comprenez maintenant? Il y a les classes. Et il y a donc l'église. Même aujourd'hui, il y a l'église là-même. Tous les jours, il y a prière. Tous les jours, il y a prière. Il y a les classes. Il y a enseignement. Enseignement séminaire. Je n'ai pas vu là. Il y a grand séminaire aujourd'hui. J'ai demandé un jour, mais il y a un petit séminaire même. Il y a les grands séminaires aujourd'hui. Donc il y a les petits séminaires. Parce que j'ai dit déjà, j'ai pas vu ça. Il n'a pas vu les séminaires dans ma Bible. Tu dis que le père a acheté le calendrier à 500 000. Il est là, à 500 000. Il est quitté pourquoi? Parce que quand les écarts ont commencé à tomber de ses yeux, il a commencé à parler à certains frères. Mm-hmm. Pourquoi? Les mariages sont organisés là-bas au combat spirituel. Et les mariages, les fiançailles qui ont fait 10 ans là-bas. Mais on n'a jamais fait des mariages pour un Camerounais. C'est tout le mal qui se fait. C'est-à-dire que l'église prend en charge la situation. Oui, mais maintenant, quand un Congolais veut se marier, il prend en charge. On dit, ok, c'est le fidèle qui paye. Mm-hmm. On dit, vous voyez que le frère va se marier avec la soeur. Il va falloir qu'on continue pour lui. On change ça pendant au moins un mois. Vous savez que tel cas va cotiser 20 000. Tel autre cas va cotiser les JCC vont cotiser 5 000. Oui. 5 000 et 10 000. Oui. Les deux classes d'accompagnement vont cotiser 30 000. Alors, c'est comme ça. Et ça tombe comme ça des millions. On le fait. On le fait, clairement, on le fait. Au même temps qu'on finit de faire, on ne donne même pas ça aux frères. Parce qu'on prend une partie maintenant, on fait le mariage. Il ne même pas savoir combien c'est. Ça va pas que. Il y a eu beaucoup de dislocations là-bas. Ils sont disloqués. Pourquoi? Parce que les Camerounais vont qui dirigeaient. Parce qu'au départ, c'est les Camerounais qui dirigeaient les finances. Mm-hmm. À un certain moment, ils ont compris que non. C'est la même poste de stratégie. Il y avait des gens qui mettaient les vis. Les gens vissaient un peu là. Quand ça ne sortait pas facilement. Alors, on a dit que non. Ils sont partis au Kinshasa, mm-hmm. au quartier général. Ils ont décidé maintenant, ils sont venus, on a changé Kabuna, on dit que non, c'est seulement les Congolais eux-mêmes qui vont gérer les finances. C'est comme ça alors que Papa Longa, quand il a vu ça, ça l'a énervé. Et moi je connais aussi beaucoup de frères qui étaient frustrés là-bas, parce que bon, ils ont eu à cotiser pour les mariés des autres. Pour eux, on n'a même pas annoncé, on n'a rien dit. Ils sont sortis aller dans les autres églises, à l'extérieur se marier. Papa Longa est maintenant quitté. Ça fait un an, non, jusqu'à 6 mois qu'il est quitté, il n'est plus là-bas aujourd'hui. C'est là où, chaque matin, il est avec moi. On cause, il dit, papa, tu vois comment, il dit que j'ai vu tel. Il est sorti là-bas physiquement, il est sorti vraiment spirituellement. Il est sorti physiquement et spirituellement. Amen. Il est sorti. Et par rapport à ICI tout à l'heure, on parlait de l'école. Après, il y a l'ambassade où c'est l'ambassade du Saint-Esprit. L'ambassade, tu as aussi fait cela. J'ai fait. Explique-nous comment ça se passe, frère. À l'ambassade, c'est comme l'église. C'est quand on fait l'église, puisque lui. D'abord, la révélation de l'ambassade du Saint-Esprit, n'est-ce pas un blasphème? D'abord, le mot l'ambassade du Saint-Esprit, ce n'est pas un blasphème. Frère, je suis parti trouver. C'est un blasphème. Mais je suis parti trouver. Vous savez, je suis parti trouver. Et je vais vous dire, je suis très curieux. Frère, je vous dis sincèrement, viens de m'échapper. Hein. Tout ce qu'on fait, je regarde. Rien ne m'échappe. Je regarde, mais je ne parle pas. Je ne parle pas beaucoup. Quand je suis les enseignements, je ne parle pas beaucoup. Mais j'observe votre geste. Lui, par exemple, il voit que tous les enseignements qu'ils font, c'est pour tirer de l'argent. Donc, il ne peut pas faire un enseignement sans parler d'argent. Sans parler de. On cherche les gens qui vont soutenir l'église. On va construire l'église, on a attaqué certains montants. On cherche les gens qui vont soutenir. Et chaque jour, quand tu as fait un vœu, il y a des gens qui font le vœu de 1 million. Des petits, des 500 000, et chaque jour ils cotisent. Maintenant, quand on finit, on dit, bon, ok, ça c'est le vœu, tout le vœu. D'abord, les enfants ne passent. Mm-hmm. Les témoignages, on fait les enfants sacrificiels. Donc, il fait ça à l'école, il fait aussi à l'ambassade. Bien sûr. Mais c'est son boutique. Dans cette ambassade, on donne quoi là-bas? Quel visa? On donne quel visa là-bas? Il n'y a pas de visa. Mais non, non. On dit que Dieu va bénir le visa. Donc, vous bénir pour que vous ayez le visa. Non, c'est... Vous voulez vous marier, ceux qui n'ont pas de femmes, ceux qui sont malades, vous passez par là-bas. Mm-hmm. Et quand vous sonnez, on met le panier. Ceux qui veulent le visa, donc, venez ici, sonnez. Dieu va, on va prier pour vous. Donc vous sonnez, on prie pour l'homme de Dieu prie pour vous. Donc il y a les moments où il faut faire un truc pour recevoir telle autre chose, pour recevoir les prières. Et tu sais que c'est pas biblique, de l'homme de Dieu. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Moi particulièrement, je vais vous dire, je vais vous dire qu'on va adapter. Donc on ne va jamais adapter. Je vous le dis vrai, même étant passé là-bas, puisque les pasteurs ont le cahier de dîmes, jamais deux qui j'ai brassé là-bas, les souvent on a mangé ça à la boutique. Je n'ai jamais utilisé ça. Oh, donc je prends, je mets là. Je n'ai jamais rempli, je n'ai jamais. Mais dans le cahier général, elle est réunie contre toi en disant que depuis on a constaté que ton cahier n'est pas si. Mais elle est venue me dire, puisque il y a les souches, mm-hmm. quand vous mettez les souches dans l'enveloppe, on prend et puis on. Ils disent qu'ils vont brûler ça après. Alors qu'ils sont le conseil pour consulter. C'est pour consulter. Qui a fait, c'est pour consulter. Parce que vous êtes peut-être. Parce que quand vous venez demander une aide à ceux qui sont venus me voir. Oui. Pour les aides. Oui. On vous demande, est-ce que tu payes vraiment tes dîmes? Pour qu'on puisse t'aider en pour qu'on puisse t'aider. Alors que tu es chrétien là-bas. Et alors que même en payant les dîmes, mm-hmm. on ne vous aidait pas. J'en ai vu. J'ai vu beaucoup de gens qui sont partis. Ils sont même venus me consulter. Ils me disent, j'ai quoi à faire là-bas. Elle va les voir. Tu me dis, si je vais partir les voir, on va me demander, tu sais pas ce qui se passe. Dernièrement, il y a un autre, il n'est pas Camerounais, mais il est au Cameroun depuis, il est centrafricain. Un autre pasteur toujours. Non, il n'est pas pasteur, il est centrafricain, c'est un réfugié. Et là, il est avec moi au quartier, il est venu me voir. Pasteur. Comme c'était chaud chez eux. Hein. Oui, comme c'était chaud, il dit, mais pasteur, est-ce que toi là, tu ne peux pas aussi m'aider? Oui, pasteur, tu pourras, il y a pas, vous ne faites pas ça chez vous. J'ai dit que bon, je le fais, mais si le quartier j'ai raté, il vient. Va voir le grand pasteur, tu lui poses ton problème. Quand il est parti lui poser le problème, on a pu te donner un livre qui parle de comment s'aimer, non pas comment s'aimer, de quoi financer la prospérité financière. Prospérité financière, oui, on est donné plutôt un livre sur la prospérité financière. Et c'est Eric Debo qui a écrit ça. C'est Eric Debo qui a écrit. Bon, les ensemble, ça va résoudre son problème là. C'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit. Il est venu me montrer que voilà ce que c'est parti faire. Montrer et puis on va donner. Je vais dire, on va donner ce livre. Je ne savais pas quoi faire. Ce qu'il y avait à lui donner, il dit ok. Comment, en lisant le livre, acheter quand même quelque chose, tu m'en encadres. Les frères brûlent là-bas à tes poses. C'est que les frères ont certainement des questions. Mais je vais vous laisser poser des questions, d'accord? Je vais laisser lui poser des questions. Maintenant, tu es devant nous. Le frère. Et tu connais la vérité totalement. Oui. Et tu sais très bien que tu ne peux pas avancer sur un terrain avec Dieu étant dans le faux. Tu sais très bien que restant dans Winner Chapel, tu es dans le faux. Et tu vas toujours te compromettre. Oui. Quelles sont les décisions que tu as prises? Comment tu vas faire là maintenant? Frère, j'ai dit ici tantôt que ma décision n'a pas été prise aujourd'hui. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je me suis décidé. J'ai dit que je vais rester ici avec les CD. Parce que je dois aller distribuer les CD. Parce que le CD, vous pouvez pas comprendre. C'est le CD que j'avais m'a donné. Et que le frère, j'avais suivi ça en 2000. Ça veut dire qu'en 2000. Quand il était à la radio. À la radio. Mm-hmm. J'avais suivi que les morceaux, il m'a bien suivi. Mm-hmm. Et il travaille, j'ai suivi que les morceaux. Bien à Dieu, jamais m'a donné ce CD. J'ai suivi ce CD du bas à la fin. J'ai dit, je veux particulièrement ce CD. Parce qu'il devait distribuer à mon collègue d'abord. J'ai dit, bah, même s'il n'a pas le DVD, je vais l'acheter un DVD. Il va me suivre. Il va me suivre. Mais il faut rassurer, donc il suit à côté de toi, que vous faites comme si vous. Sinon, il va casser. Non, frère, il va suivre. Mm-hmm. Je dis, il va suivre. Je veux bien qu'il suive. Parce qu'ils sont nombreux à qui je dois distribuer ce CD. Mm-hmm. Frère, parce que. Les gens sont, ils ont encore le jeu au cou. Les gens cherchent franchement Dieu. Mais ils sont là où il ne fallait pas. Ils sont à un endroit où il ne faut pas. Je suis ici aujourd'hui. Dieu qui m'a retiré de là où je disais trop où j'étais. Amen. Pour me mettre ici. Amen. Peut-être que je ne sais pas régler, mais je sais, je suis déjà sorti de là. Amen. C'est de tentement de me préparer et de donc, ça veut dire que si comment bien. Parce qu'il y a même beaucoup de gens à Rue Chapa qui veulent distribuer. Amen. Donc, frère, il nous faut laisser dedans. Il nous faut laisser. Ils nous feront laisser des vierges, pas vrai? Donc, il nous faut laisser des vierges. Je vais distribuer ce CD-là. Je vous assure, il y a des gens qui ne savent pas où aller. Ils se disent qu'ils sont dans un bon endroit. Et il y a des gens qui ont quitté Compassion Globale pour fuir, aller plutôt à Rue Chapa, disant que c'est plutôt la meilleure. La meilleure place pour eux. Or, oh, ils sont encore ancrés dans le gouffre. C'est soit un fruit nubel, aller en condengue. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc, je tenais vraiment à partager ça aujourd'hui et dire que, gloire à Dieu, Dieu, tout à l'heure, quand il a le frère à partager un témoignage, elle a dit quelque chose, qui m'a très impressionné. Si tu ne vois pas la main de Dieu, tu ne peux pas savoir qui est Dieu. Amen. Tu as beau parler. Mais quand tu expérimentes Dieu, tu vois sa main. Amen. Dieu te montre sa main. Amen. Les gens, quelqu'un, ceux qui vont être assis là-bas, tu vas beau leur dire des choses. Ils ne vont pas comprendre parce qu'ils pratiquent la religion. Beaucoup pratiquent la religion. Ils croient qu'en partant ce soir à l'église, avec la Bible, aller s'aimer devant, il a fait servir Dieu. Non. C'est le cœur qui sert Dieu. Amen. Il faut avoir un cœur disposé. Quand tu as un cœur disposé, je vous assure, Dieu souvent dit, je me prends moi-même comme témoignage. C'est moi qui suis le témoignage. Je sais qui est Dieu. Si vous pouvez savoir là où je suis, si vous pouvez savoir comment j'ai fait pour être ce que je suis là. Les gens savent, à ma képé. Les gens connaissent, les gens me connaissent. J'ai commencé sur une table. J'étais devant moi. Pasteur à mon état. Je m'assieds, j'ai même pas de parasol. J'ai fait le portable sur la table. Aujourd'hui, j'ai fait. Pas de faire le portable, c'est que quand les gens ont les portables qui sont en panne, ils l'arrangent petit à petit. C'est ça qui est panne. Mais aujourd'hui, je suis dans un conteneur. Et une femme qui est venue s'asseoir là-bas un jour, elle dit, hé, hey, la persévérance, c'est... Je dis, maman, pourquoi tu dis ça? Elle dit, non, j'ai vu tes débuts. Elle dit, ah bon? Elle dit, la persévérance, c'est paix. Elle dit, maman, c'est Dieu. Mais dit, les gens sont en train de voir dans le kiosque aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que j'étais dans le kiosque. J'étais dans le kiosque, dans le spirituel depuis. Amen. J'avais ce qu'on posé depuis. Sans lire les livres de comment. Non, sans lire les prospects. Je n'ai pas l'habitude. Je n'en ai vraiment pas l'habitude. Dans les livres là, tu les vends, tu fais, ils vendent ça là-bas, tu les lis. Je n'en ai pas l'habitude. J'ai pas l'argent pour gaspiller. Je vous dis vrai. J'ai le frère avec qui vous avez vu là. Il a des piles de livres. Des piles. Il conduit la moto comme ça là, il gaspille seulement sur le livre. Il dit des piles de livres. Il manque des piles de livres. Il vient tous les jours avec au moins 2-3 livres. Je lui ai dit, frère, est-ce que tu as lu ta Bible? Il dit non, je lis ta Bible d'abord. Ce que tu vois les gens écrire là, c'est à partir de la Bible qu'ils ont écrit ça. Lis d'abord ta Bible. Tu vas dire, regarde, c'est ma Bible. J'ai même pas pu. Et tu dis, tu es le pasteur de là-bas. Oui. Je lui dis, bon, regarde, il est chez Nembot. Ah, lui, il est chez Nembot. C'est même lui qui m'a fait aller chez Nembot. Et tu es allé, tu l'as laissé là-bas. Lui, aussi, depuis peut-être, il n'est pas même plus. Mais il continue quand même à acheter les livres. Il achète les livres. Il est en train de voir les livres. Et les genoux qui parlent de Dieu, il achète. Il dit que non, ça c'est le gaspillage inutile. Cette année-là, tu peux bénir quelqu'un en haut qui souffre. Dieu va mieux t'aider. Amen. Quand tu achètes un livre à 5 000, 6 000, va voir quelqu'un qui souffre en Dieu dans cet argent. Je te dis vrai. C'est ce que tu lui dis. Mais, je lui dis. Tu ne peux pas changer son cœur. Oui, frère. Okay, oui, oui. Tu savais, on a parlé dans le domaine direct par rapport aux gens qui sont établis ici. Comment les gens viennent dans le monde. On a parlé par rapport à la corruption. Je ne sais pas si tu l'avais pu parler. Si tu as eu la parole, je ne l'ai pas parlé par rapport à ça. Il n'est pas bien ceci. Lève-toi comme ça, on va bien suivre. Il y a tout à l'heure en expliquant, il a parlé comment il y a au-dessus de l'estrade. Comment les gens viennent dans le monde. Il a parlé par rapport à ça. Et puis, bon. Donc arrêtez, il veut dire que tu expliques la structure. Là où ils sont les maintenant, c'est School Full Gospel. Le quartier général, c'est à Canaanland. Je vais rentrer. Non, et pas de compassion globale. C'est compassion globale. Vous savez, frère, quand je suis arrivé là-bas, déjà, je suis arrivé là-bas, c'est en 2008. En ce temps-là, tu étais déjà prophète ou bien il est apôtre maintenant parce qu'il était encore prophète. Maintenant, il est apôtre. Il est apôtre. Toi, en tant que pasteur, est-ce que c'est biblique? Moi, je sais pas comment il a fait pour. Je sais comment ça va un jour. À ça, il a dit, vous savez, attends, tu étais là quand il y avait la transition. C'est vraiment un prototype, c'est pour nous expliquer ce qui se passe. Quand il faisait la transition, avant d'arriver là, parce que frère, oui, je vais d'abord répondre à sa question. Oui, merci. Bon, d'accord, vous savez, quand je suis arrivé à la compassion, je ne savais pas comment ça se passe. J'étais pas dans une église à l'époque, pendant que j'étais au nord, je partais un peu à la zone catholique, un peu, mais quand je suis revenu ici, bon, ça ne faisait plus rien. Même quand les gens venaient nous prêcher la parole, je disais, ah, vous l'avez fait. Laissez-moi tranquille, vous allez travailler. Alors, jusqu'au moment où Dieu m'a vraiment appelé, j'ai dit, ah, ça c'est l'histoire. J'ai commencé donc à chercher. Tu veux un des gars qui venait me prêcher la parole. Donc, pour m'évangéliser, je veux dire, il était à la compassion. Il est venu donc un jour, il m'a invité. Quand voilà qu'il souffrait dans ma chair, il m'a dit, la solution, ta solution à travers ton poste, tu vas à l'église. Tu connais pour la caméra? J'ai dit, oui. Il dit, tu peux faire. Enfin, c'est un samedi. Tu peux me trouver là-bas demain. Il dit, blesse, il n'est même pas 100 points. Il fait comme ça, il sort 200 points. Il me donne. Il me dit, tu vas venir? Il dit, ah. J'ai dit que je vais venir, non? Il dit, viens, viens de donner le retour. Il m'a donné 200 points. quand je suis parti là-bas chez vous, frère, je sais pas. C'est-à-dire que quand vous partez dans cet endroit, quand on vous prie la parole, quand vous avez les problèmes, non, vous tombez. Il n'y a rien à faire. Donc il cherche le remède aux problèmes des gens. Oui, quand vous venez, parce qu'il sait. C'est à ce moment-là quand il sait qu'il y a les gens qui ont les problèmes. Et quand il prie la parole, c'est pourquoi, quand vous êtes malade, quand vous avez mal au pied, on vous dit de manger, même de quoi vous guérir, vous allez manger. Ça veut dire que quand tu as la ligne dans l'école, on dit que bien s'aimer pour les malades, tu vas partir de lui. Pour avoir la solution. Oui, tu veux guérir. Alors, il a précisé ce qui était scandaleux pour moi. Un pasteur qui est appelé, un docteur qui est appelé à recevoir les malades, il marche avec des protocoles. Et tu ne peux même pas l'avoir. Tu peux faire la bataille. Quand tu dis qu'il peut mettre un peu plus tôt, ça veut dire que tu as te marché avec le corps. Avec le corps. Pourquoi il n'y a peur de moi, mais c'est des samedis. Je ne peux pas expliquer. Je peux pas vous expliquer, mais il marche avec les gens sont là, on l'a entouré de gauche à droite. Il est là, quand l'homme de Dieu vient s'asseoir, il a son entrée aussi. Il a son entrée. Il a son entrée à lui. C'est une entrée prophétique peut-être. Je sais pas. Il entre la seule. Dès qu'il a pas offert, donc on ouvre. Quand on ouvre, on met le bâton. Dès qu'il arrive, on ouvre. Il passe, on ferme la porte. Wonderful. Maintenant, il part, il s'assoit. Les protocoles s'asseyent. Il prêche. À la fin, encore, on part, on ouvre. On le protège. Et le protège encore jusqu'au bureau. Vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas le voir. J'ai voulu l'appeler un jour. Je vous dis sincèrement parce que il parle de l'humilité. C'est un monsieur qui n'est pas humble. L'humilité se voit. Ce n'est pas la paix. Je ne sais pas ce qui va se faire avec les protocoles. On ne peut pas le voir. Or, je sais une chose. La maladie est psychologique d'abord. Si tu veux voir un médecin, tu veux voir le médecin, on t'envoie voir un infirmier. Tu peux ne pas guérir. Pourtant, peut-être le médecin, l'infirmier est même efficace que le médecin. Mmh. Mais je vous dis, quand toi, t'envoies pour te voir, c'est pas dans ta tête, tu es déjà calé. Mmh. De quoi? Parce qu'il y a des gens qui ont fait des mois et des mois avant de le voir. Je suis un peu solution, hein. Je suis une solution. Parce que là-bas, je suis déjà. Pasteur, ça fait déjà un mois. Je viens, ton secrétaire me bat. Je veux te rencontrer depuis. Il dit, ah ben, il y a mes collaborateurs. Vous pouvez voir mes collaborateurs, je ne peux pas vous recevoir tous. Vous voyez parfois. Mais il peut avoir tous les dîmes et les offrandes. Bien sûr. Bien sûr. Vous voyez, je ne peux pas recevoir. Comme vous appelez, je veux recevoir des gens qui sont de Washington, qui sont de la France, qui sont de la Belgique. Je ne peux pas vous recevoir tous. Je suis abonné parce qu'ils sont de l'Europe, je suis obligé de les recevoir. Voilà un peu son comportement. Je ne sais pas s'il a répondu, mon frère. C'est un peu là. Donc, chaque fois que tu es là à la compassion, tu n'as pas accès au pasteur. Par contre, à une échappée, tu as accès au pasteur à tout moment. Tu peux le voir comme tu veux. À une échappée. Il a son bureau. Mais le pasteur a déjà les itinéraires qu'on a tracés, que l'intérêt a tracé, les canevas qui va suivre. Oui. Par exemple, le pasteur, par exemple, prends le cas de Timothée Chapeau. Oui. Tu es pasteur avec un adjoint. Oui. Quelqu'un veut me poser un problème. Vous ne pouvez pas résoudre ce problème à moins que ça soit allé quelque part, que les gens te décident. On ne peut pas. Si c'est un problème financier, on ne peut pas. Vous entendez ça? Si c'est financier, on ne peut pas. Ça veut dire que quand vous finissez de faire les connaître, vous renvoyez quelque part. Ça part. Donc, ça part au quartier général. Parce que le quartier général, non. Ah, donc bon. Oui. C'est un bon, non, qu'on statue. L'autre partie va au Nigeria. Lui, il ne passe pas au Nigeria. L'autre partie, c'est ici. C'est qu'on va dans toutes les stations. Il y a fait centrale. Non, attends, c'est pas fini parce qu'il avait dit qu'il fallait répondre au cadre avant la transition des professeurs. Mais j'ai dit que un jour, pendant qu'il était encore assis, j'ai compris, il a dit, vous savez, quand je suis arrivé au Nigeria, pendant le séminaire de telle date. Donc il allait au Nigeria pour faire quelque chose. Pour un programme. Et quand il est venu, son ministère a changé. C'est là-bas qu'on a changé son ministère. Il n'était plus apôtre, il n'était plus prophète là-bas, il est devenu apôtre aussi au Nigeria. C'est lui qui a prêché comme ça au pitre ce jour. Donc c'est depuis ce jour qu'il est devenu prophète. Apôtre. Puis moi je l'ai connu en tant que prophète. C'est depuis ce jour qu'il est devenu apôtre. Donc qu'est-ce qu'il a raconté, frère? Il a raconté que quoi? Par rapport à son ministère. Et le livre qu'il a écrit, il a dit qu'au Cameroun, on a refusé ses livres. Mais quand il est arrivé peut-être à Israël, son livre était déjà traduit. Le livre qu'il avait écrit sur Les trônes, des prophètes ou quoi? Non, les trônes. Il a écrit beaucoup de livres. Il dit qu'avant d'arriver en Israël, on s'est déjà traduit. On a dit, pasteur, on a écrit ton livre, on s'est te demander. Il dit que amen. Donc ton livre est déjà sur le livre de quoi? Sur une île là. Quelque chose. Là, il dit que son livre était déjà sur l'île de quoi? Je ne sais pas. Bon, de façon que ce soit bah, vous savez, la lutte de Bakassi, je vais dire ceci, n'est-ce pas? C'est normal, bibliquement, que quelqu'un quitte des prophètes à apôtres. Toi, tu es pasteur. C'est pas possible, c'est pas vrai. Mais Et comment il dit, la question qu'il me pose, c'est que ce que nous posons, c'est que comment quelqu'un vient dans une assemblée, prend le micro, dit qu'il était prophète, maintenant il est apôtre, et tout le monde est assis. Parce que quand c'est comme si c'est l'obsédé des gens là-bas, ou bien encore, il est tellement courageux qu'on peut, personne peut lui dire, qui va lui dire quoi. Tout le monde est sur lui. Frère Christian. Oui, frère, moi, il y avait vraiment, ça me pousse vraiment à la curiosité. Oui. Quand tu dis que les gens quittent, il dit qu'il n'a pas le temps pour recevoir les autres frères, oui. Et qu'il y a des gens quand même qui quittent d'autres pays, oui, pour venir le rencontrer, qu'est-ce qui peut bien... C'est de l'argent. Les gens là-bas dans ces pays-là, ils ont aussi ces pasteurs, ces comment dire. Ok, la question c'est pourquoi est-ce qu'il de l'air pour venir le solliciter. Pour venir le rencontrer lui. Okay. Mm-hmm. La radio, la première des questions. Il a sa radio. Et la deuxième des questions que je voulais poser. À Yaoundé, des pays, il y a trop le phénomène des cul dents. C'est-à-dire que quand un chrétien arrive, on le fait passer par les entretiens. Est-ce qu'à une chapelle, tout là où tu citais là, vous avez parlé. Compassion globale. Est-ce que c'est le processus qu'on fait pour maîtriser le problème des chrétiens ou il y a d'autres façons? Ok. Quand tu arrives à la conversion globale, oui, en tant que nouveau converti, au oui, départ, ça m'avait intéressé. On te passe à un programme. Il y a les classes de nouveaux convertis. C'est-à-dire, on te prend, après les cultures, on vous appelle à une salle où on va vous entretenir. On vous apprend comment étudier la Bible, comment devenir enfant de Dieu. Avec les brochures qu'on a sorties. On partage, on distribue ça. On fait comment, frère? On vous montre comment devenir enfant de Dieu. Comment être parfaitement enfant, un enfant de Dieu. Uh-huh. Comment grandir dans le christianisme. Uh-huh. C'est un peu comme ça à la compassion globale. Uh-huh. Donc après chaque culte, parce que là-bas, il faut faire le culte de. Il commence à 9h, à 15h même, 16h parfois. Le culte là-bas. Hein. On commence le culte là-bas parfois, je vous dis. Donc on commence à 9h. Lui, il vient à 11h. Et comment apprécier ça peut-être 14h, 15h, 16h. Bon, quand c'est tard, on ne fait plus il y a plus la classe des nouvelles convertis. Mm-hmm. Parce qu'il y a la classe des nouvelles convertis, première année et deuxième année. Bon, maintenant, quand tu passes première année, deuxième année, c'est là où on commence à nommer les anciens. Les anciens sortent des deuxième année. Donc, c'est là où sortent les dirigeants. Oui, en fait. Peut-être ma question, tu n'as pas bien saisi. C'est-à-dire que les cul-dents, c'est-à-dire dans les églises de Yaoundé, par exemple. Oui. Bon, c'est-à-dire quand quelqu'un arrive nouvellement, par exemple, j'ai un problème, on te demande de payer une certaine somme d'argent. Oui. Donc tu passes par des gens qui sont, des protocoles. De par certains protocoles. C'est-à-dire que, admettons, il y a un secrétaire ici, tu passes, c'est des fiches que tu remplis. Oui. On cherche à savoir ce qui t'amène. C'est-à-dire que c'est tout un dossier, en fait, même que tu fais. Je ne sais pas si c'est pour ça. Là-bas, il a un dossier comme ça. Il y a aussi un dossier. Il a un dossier comme ça. Il y a le fichier du malade. Il y a le fichier. Quand tu viens, tu as un fichier qu'on suit. C'est-à-dire, tu dis, par exemple, toi, tu fais du monde. On sait que tu as accouché avec les femmes. Oui. La liste des péchés. On dit combien de femmes as-tu déjà sorti dans le monde. Je ne sais pas si c'est. Non, mais on m'a dit aussi qu'à l'ambassade de Saint-Esprit, à ICU, il y a un secrétariat maintenant. Quand tu viens, on donne l'ordonnance, on écrit ton ordonnance. On dit qu'on met les livres. Mais avais-tu ça? Avant, il y a ça. Mais avant, quand j'ai passé là-bas, il y avait ça. Frère, dis-nous quoi? C'était quand le bureau était encore à. Là, il y avait la bonne nouvelle, la radio bonne nouvelle avant. Angodi. Mm-hmm. Parce que là, il y avait d'abord ces bureaux. Mm-hmm. D'abord, quand tu arrivais, tu payais, c'est quoi, c'était 3000 francs de l'inscription. L'inscription de quoi? Pour être à l'université. Uh-huh. Avec les listes de livres que tu devais acheter, uh-huh, tu payais ça dans son bureau. Dans le bureau, avant de parler à la secrétaire, on te donnait avant que tu partes à l'université. Maintenant, quand tu rencontres le pasteur, on dit qu'il y a un secrétariat, tu viens pour la consultation, comme on fait chez les médecins, oui, et les consultations, après on prescrit les médicaments, c'est tel livre acheter. Comment là-bas, je ne peux pas savoir, parce que je ne l'ai jamais rencontré. Okay. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais cherché à le rencontrer. Je n'ai jamais cherché à le rencontrer. Après, tous les pasteurs, ce que je suis passé là, on se connaît parce que je suis pasteur, c'est à l'une de chaque même. Mm-hmm. Je n'ai jamais cherché à rencontrer un pasteur. Mm-hmm. Quand je viens chercher mon Dieu, j'ai dit ma Bible, c'est tout. Mm-hmm. Je, peut-être quand on dit qu'il y a quelque chose à faire, on rassemble les pasteurs, on dit voilà ce qu'il y a à faire. Je suis parmi les pasteurs, je suis ça comme ça. Mm-hmm. Mais dès que vous rencontrez après, je n'ai pas ce temps-là. Donc tu peux nous dire devant ici, en temps, avec ton expérience, que dans les grandes institutions que les gens voient là, Winner Chapel, malgré la somptueuse chose qu'on voit devant, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu, pasteur. Il n'y a pas Dieu. Dieu, c'est dans le cœur. Vous pouvez pas me dire que vous avez Dieu et vous dépouillez les gens. Ça, c'est vrai. Je reviens encore sur l'expression où vous dites que le robinet ne boit pas l'eau. Je reviens là-dessus. Mais c'est ce qui sont les rouleaux qui boivent de l'eau. Je vous dis. Frère, en aparté, on vous dit que ça c'est le business. Dieu a sa propre entreprise. Oui. Mais on vous apprend la façon de vous présenter devant les fidèles. Comment dire, pour ne pas dire ça directement. Oui. Ça dit de temps en temps, quand tu te présentes, les gens croient que vous êtes un bon pasteur, vous aimez Dieu. Oui. Il y a des situations de le faire. La façon de. On a de le mentir. Donc, vous, en venant sur la scène, vous savez que ici, nous sommes là comme ouvriers, comme entrepreneurs. Nous sommes là pour un objectif. On a au travail. Il y a un objectif à atteindre. Mm-hmm. Parce que si la dîme n'entre pas beaucoup, on aura des problèmes. La preuve en elle-même déjà que chaque station, tu ne peux pas poser un problème que ta station a si tu n'as pas atteint un certain montant. Explique ça, frère. Il va falloir que tu. Parce que nous sommes obligés d'être. Puisque je suis allé dans l'aéroport, je suis obligé les samedis d'être sur le terrain pour évangéliser. Pour amener les membres. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait les membres afin qu'il y ait beaucoup d'argent. Parce que les membres, c'est pas pour les. C'est pas. C'est pas notre problème. Notre problème, c'est l'argent. Donc, il faut aussi beaucoup de membres. Pour que par mois, que chaque fois je produis au moins, minimum, c'est pas parce que j'ai pas beaucoup de membres, qu'il y ait au moins 500 000 francs par mois. Et le but c'est quoi? C'est que si tu as toi, vous-même qui dirigez là-bas, si vous avez des problèmes, qu'on puisse voir maintenant votre cas. Comment même voir que notre cas? Non, pas le cas de l'église, peut-être que la station, pas pour nous. Hein? Non, pas pour nous, le cas de la station. C'est le lieu, pas vous, les personnes. Non, le lieu, l'église, pas nous. Même pas un fidèle, non. Quand c'est un fidèle, c'est nous. C'est entre lui et moi qui dit bon, il y a telle soeur qui a été trouvée, on va faire comment? Bon, et dans le bon, c'est même mon argent, son argent, c'est pas un de l'église, non. Je sauve le prix, on aide la sauver le frère. C'est pas qu'on sauve le frère de l'église sur les autres. Ben, quand l'argent va, pour qu'on puisse venir, peut-être c'est l'étoile de l'église, peut-être c'est les ventilateurs, c'est cela qu'on peut résoudre. Même les ventilateurs, c'est pas eux qui résoudent, c'est ça, c'est pas les offrandes. C'est un ventilateur, c'est nous. Qui allons peut-être encore dire aux membres, vous voyez qu'il y a des ventilateurs, et sinon on ne compte pas sur les gens. Donc l'argent qui est le but, voilà, ça va seulement. Ça passe seulement. Si on a besoin de ventilateurs ou des pendules, on va vous dire que non, on va prendre sur le fond que vous avez donné. Non, les souffrances c'est pour Dieu, on ne touche pas la femme de Dieu. Mais là, c'est vous qui cotisez encore afin que nous achetons les ventilateurs. Ou encore si un frère un zélé, il peut acheter ou encore acheter les pendules au mieux. C'est pas comme ça. Donc, dit que votre cas, on n'a pas besoin de nous. Nous sommes là pour servir Dieu. Dieu va, tu sais, Dieu va s'en occuper de ton cas. Voilà le langage. Frère, vous voyez le mal que l'église de Dieu est en train de recevoir, n'est-ce pas? Mais vous voyez aussi maintenant comment Dieu est en train de relever, n'est-ce pas? Donc, tu es d'accord avec moi qu'avec nous et avec la parole, qu'il y a beaucoup à l'intérieur que Dieu va enlever. Frère, moi je dis, le CDMA suffit. Amen. Le CDMA suffit. Avant ça, je cherchais. Je comprenais qu'il y avait problème. Mais avant de suivre le CD, je savais déjà qu'il y a problème. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Je sentais, il n'y a même pas amour. Quand il n'y a pas amour, on dit donne l'amour. On suit ce qu'il appelle donne l'amour. Comment est-ce que tu as de l'amour? Tu peux donner l'amour. Attends, vous posez la question aux dirigeants. Aux dirigeants. Depuis la compassion. Qu'il n'y a pas l'amour. Non, mais il n'y a pas d'amour ici. Et ils disent quoi? Que tu as fait donne l'amour. Il faut donner l'amour. Je dis que mais je veux donner l'amour. Je précise que regarde ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'amour? Voici. On ne regarde pas comme ça. Il faut donner l'amour. Donne d'abord quand même l'amour. Frère, posez des questions. Il y a dit que les pasteurs à venir chapelle. Et quelle était votre rémunération? Ma rémunération, c'est 40 000 francs. C'est 40 000 francs. Non, je paye 40 000 francs par mois. Oui. Et on espère que sur ces 40 000 francs, il donne encore 4 000 francs de dîmes. Non, 4 000 francs de dîmes. Le transfert est dedans, puisque je vis à Drummond. Je vis à Drummond. Il faut payer le taxi le mercredi. Parce que mercredi, il y a culte de la communion. Le dimanche. Et le samedi, pour aller faire l'évangélisation. Parce que l'évangélisation, je peux juste faire dans le quartier. Dans le quartier, il y a la station. La station. C'est que la paix station, c'est là où la construction est. C'est là où, oui, c'est là où il y a Amazon. Voilà. Il faut écouter le langage. Donc, quand il dit qu'il faut crocher dans la station, ça se pose que si le lieu, c'est la station où il y a. Comment ça s'appelle c'est dans la zone ce que tu dois faire pour que les fidèles ou pour que les gens viennent facilement. Oui. C'est que le plus souvent, même quand il tue ça, à la fin, je ne peux pas avoir 10 000, c'est pas possible. Le plus souvent, je ne peux pas avoir 10 000. Mais par amour pour Dieu, je continue à faire. Je le faisais parce que je savais que je faisais pas pour Dieu. Mais sinon, parce que je vais dire que je savais qu'il y avait problème. Mm-hmm. Mais tu ne sais pas comment gérer cela. Je savais qu'il y avait problème. Mais je ne savais pas comment gérer. Mm-hmm. J'étais en train de chercher. Mm-hmm. C'est pourquoi, mais je vous dis, il y a beaucoup de fois, même cet argent-là, mon collègue et moi, mm-hmm. je dis que non, regarde, on dit que tel soeur est malade. Qu'est-ce qu'on peut faire? On dit que tel frère était problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il cherchait comment faire. Parce que mm-hmm. ça semble qu'en allant peut-être à. Au quartier général. On ne doit pas résoudre. On dit que non, vous êtes là pour résoudre, vous enlevez ça, sortez l'argent de votre poche. Je vous rappelle, pendant qu'ils voulaient faire la plaque pour indiquer l'église, il y avait, parce qu'on a fait une croisade à l'Omnisport, avec les grandes plaques là, mm-hmm. les antoles là. Mm-hmm. Je suis parti demander au bureau, je voulais couper la tôle là pour aller faire saisir, c'est le gars, avec mon argent pour déposer. On m'a dit il faut passer une demande. Une demande. Il faut donner la demande. Pourquoi on coupe la tôle? Pourquoi avant de couper la tôle qui est versée derrière, il pleut dessus. Il faut qu'il donne une demande. Parce que ça peut servir un jour. C'est pour votre église. On dit non, on sait, mais d'abord, vous pouvez acheter. Toi et ton collègue, vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter la tôle et puis faire ça. Mm-hmm. Pour Dieu. Mm-hmm. Vous servez Dieu. Vous comprenez? Mm-hmm. Bon, quand on vous donne les termes comme ça, mm-hmm. frère, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On dit que tu sais Dieu. Donc, depuis là, ça ne fait qu'accroître dans ton esprit la conviction que quelque chose de faux. Je est savais là. Que quelque chose, ça n'allait pas. Depuis mm-hmm. pas aujourd'hui, depuis la compassion, mm-hmm. je savais que ça ne va pas. Mais tu ne trouves pas même pas à trouver la solution. Je ne trouve pas la solution. Mais mm-hmm. savez, Dieu me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mm-hmm. J'ai cherché la solution. Quand tu m'as donc écouté la radio, ça ne t'a pas énervé? Tu ne parles pas de l'énervement quelque part? Mais je savais qu'on devait t'arrêter. Je savais qu'on devait t'arrêter. Et comme j'ai dit, le deuxième jour, parce que vous avez passé un jeudi, mm-hmm. le vendredi, c'était chaque jour jeudi. Mm-hmm. C'est chaque jeudi, je crois. Oui, jeudi, vendredi. Jeudi, vendredi. Mm-hmm. Le jeudi qui suivait, j'attendais. J'étais sûr. J'étais sûr. Parce que ce sont eux qui financent la radio. C'est les gens-là qui financent la radio. Les Némbots, ce sont eux qui financent la radio. Tous les pasteurs, même les gens qui passent là-bas, ce sont eux qui financent. D'abord, tant que pour financer la radio, ils ne payent pas. C'est les membres qui payent. Il est venu un jeudi. Vous savez que chaque mercredi, Yule Chavre va passer à Bonne Nouvelle. Mm-hmm. Il faut payer 50 000. Qui sont les volontaires qui vont payer? Les gens sortent. Hein? Ils sont gênés pour le faux. Je sors, je paye un mois. L'autre va payer un mois. Donc, ça dit 200 000 francs. Hein? Pas moi, non. Mais je dis, de chaque mois, un mois. Donc, tu payes, il va payer 4 fois. 4 mois. À 200 000 francs. Dès que tu as fini, l'autre personne peut le prendre. Ainsi de suite, jusqu'aujourd'hui. Pour aller distiller les fausses, le poison aux gens. C'est comme ça. Donc, ce n'est même pas eux qui payent. C'est encore les fidèles qui payent. Et il y a toujours le volontaire pour le faire. Mm-hmm. Pourquoi ces volontaires croient qu'ils servent Dieu? Mm-hmm. Pourquoi ils servent Dieu? Donc, c'est pour dire que ils ne le font pas parce qu'ils veulent c'est mon Dieu. Non. Mm-hmm. Ils sont sincères. Ils sont sincères avec eux-mêmes. C'est juste nous que Dieu les bénit. Parce que quand Dieu voit le cœur, mm-hmm. Dieu va les bénir. Mm-hmm. Ça, c'est clair. Ils le font. On les raquette, c'est vrai. Ils donnent parce qu'ils prennent, ils servent Dieu. Mmh. Bon, c'est pas Dieu qui sert. Mais Dieu, je pense que Dieu, je sais qui est Dieu, Dieu voit le monde. Quelqu'un a encore une question, frère? Bonsoir, frère. Oui, frère. Ma question, ma préoccupation, c'est ceci. Puisque là, vous essayez maintenant de couper une branche sur laquelle vous êtes assise. Oui. Donc, s'il s'avère qu'à cause de cela, la destruction de ces dés-là, oui. tout va se passer là-bas, oui. on puisse vous enlever vos avantages-là. Waouh! Je n'ai pas d'avantage à me échapper. Je n'ai pas d'avantage à me échapper. Ils le savent. Je suis d'abord un rebelle. Oh, je ne suis pas un rebelle. C'est parce que je sais qu'il y a la vérité. Quelque part. Mais frère, permettez-moi. Oui. Pourquoi ne pas tout simplement dire au brebis que tout ce qui est là est faux? C'est pourquoi je vais le céder. Donc tu veux dire que si on donne le céder comme ça, quand tu vas le dire, tu sais que ça va bon que tu as laissé. Oui, oui, c'est pourquoi je vais le céder. Je vais distribuer le céder aux gens. Je vais distribuer le céder. Les gens vont partir suivre. Ils ont suivi ça. Comment suivre ça? Ils vont partir. Tu as suivi quoi? Je vais discuter aux gens. Je vous dis. Parce que dans mon collègue qui est là, je sais que je ne peux pas le bouger. Parce que là, avec son cœur, je vois comment il a le zèle, comment lui-même il me fait le. Non. Je sais que lui, il est devant préparé. C'est que il va me voir. Parce que d'abord, ça fait déjà un mois que je parle même pas là-bas. Il m'a appelé au téléphone. Tu avais le pasteur, tu veux pas demain. J'attends demain. Non, demain, je m'attends. Il sera là-bas demain. Demain, c'est là. Le matin, c'est là. Je vais profiter de l'occasion, lui donner le CD demain. Vous comprenez? Il va maintenant. Parce qu'il doit que c'est vrai, non, parce que j'ai un peu à faire là. Chaque fois, non, j'ai un peu à faire. Excuse-moi, j'ai un peu à faire. Il parle et rencontre. Je veux que foutre. Et quand il parle, avant, on sort de la à 10 parfois à 10 ans, on va se passer. On sait que c'est pas passé. On va commencer à débarrer. On sait que c'est pas passé. Mais à la fin du mois, tu donnes ton argent. Parce qu'il donne ou qu'il ne donne pas. Parfois, il donne. Parfois, on dit que on a coupé peut-être 10 000 francs. Je dis que c'est pas grave. Est-ce que tu as manqué le travail? Je dis que c'est pas grave. Parce que c'est un code d'homme, je vous dis sincèrement. Je vous dis, et Dieu me témoigne, je n'ai pas manqué. Je ne sais pas s'il y a manqué cet argent. Je vous dis vrai. Je prends ça dans le transport, dans les dîmes, dans les offrandes, et le reste, je donne à certains fidèles. Puis je ne compte pas sur ça pour vivre. Non. Je partais parce que je croyais que je servais Dieu. Voilà. Donc le service de Dieu était ta motivation. C'était ma motivation. Je partais servir Dieu. Et je vous dis, j'ai la dîme. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec la dîme. Pourquoi? J'ai parcouru le Nouveau Testament, je n'ai pas vu la dîme. Et je suis un pasteur Chora. Chora Poitou. Poitou de la France. Il a commandé la dîme. Et ça m'a encore galvanisé. Mm-hmm. J'ai jamais fait la dîme. Que ce soit la compassion, j'ai jamais payé. Non, on ne t'a jamais frappé. Non, il ne peut pas. Je donne mes offrandes, d'accord. C'est normal parce que je vois les offrandes dans la dîme, dans le Nouveau Testament. Je donne les offrandes. Je lui ai dit à ce pasteur un jour, tu sais quoi, il a dit non. J'ai dit, quand je vois quelqu'un souffre, je préfère donner à cette personne-là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Dieu. Il n'a pas parlé. Il dit que ce n'est pas la langue de Dieu. Tu donnes ça pas à Dieu. Et de surcroît. Attends, ce pasteur a dit que quand tu donnes de cette façon, ça ne va pas à Dieu. Donc, comment on fait pour, selon lui, comment on fait pour que ça arrive à Dieu? Il faut donner à l'église. À l'église. Il faut donner à l'église. C'est à Dieu. Et à ma grande surprise, je vous dis, je vous donne une relation. J'étais avec la femme d'un pasteur un jour. Écoutez. Avec la femme d'un pasteur. Elle avait une boutique. Elle était vraiment menacée, même payer les impôts. Les locations, c'est bon. C'était dur. Un jour, il dit, ma pasteur. Attends, un pasteur de fou, où est-ce que tu as toujours? Non, une femme de pasteur. Non, une femme de pasteur, pas une chapelle ailleurs. Mm-hmm. Il a son église plutôt à Niala là-bas. Mm-hmm. Je lui ai passé, bon, ma pasteur. Si un jour, on paye la dîme, je lui ai dit, je ne paye pas moi la dîme. Mm-hmm. Il dit, non, il faut payer ta dîme. Je lui ai dit, moi, je ne paye pas ça, ma pasteur. Je lui ai dit, ma pasteur, je vais faire un exemple. Il dit, bon, si en passant ici un jour, je constate que les impôts sont en train de sceller. Mm-hmm. Ou encore le bail te scelle parce que tu n'as pas payé la maison. Mm-hmm. Et que j'ai ma dîme qui est en train de partir à une échappée donnée. Mm-hmm. Je viens et dis que bon, non, ne scellez pas, voici l'argent. Mm-hmm. On paye. C'est bon ou bien ce n'est pas bon. Et que non, Elie, tu n'as pas rendez-vous avec moi. C'est ce que la femme qui est souffre là. Pasteur qui souffre. Qui me dit. Mm-hmm. Et que non, Elie, tu n'as pas rendez-vous avec moi. Mm-hmm. Peut-être que c'est en partant même payer ta dîme à l'église que Dieu va décanter la situation aussi. Donc c'est au point où les gens sont tellement formatés qu'ils ne peuvent pas comprendre même la réalité. Vous comprenez un peu. La femme d'un pasteur, elle m'a dit ça. Je dis que ma pasteur, c'est pas vrai. Il faut comprendre que Dieu ne peut passer que par un homme pour te bénir. Mm-hmm. Dieu ne s'engage jamais Dieu pour te bénir, c'est pas un homme. Donc, j'ai une manière par laquelle il faut payer ma dîme. Et je suis sûr que Dieu me bénit par rapport à ça. Mm-hmm. Je lui ai dit, qu'est-ce qui est sûr? Si je passe ici, je vois comme derrière, je vais poser la preuve. Je suis allé là-bas, vous avez vu qu'on avait coupé la lumière. Son mari n'entend pas là. J'ai payé, j'ai sorti 5 000 que ma passe, c'est combien? Elle disait, mais voilà, 5 000 paye. C'est ma dîme qui les paye comme ça. C'est mauvais pour ma passe. Non, c'est pas mauvais. Ce n'est pas pasteur. C'est que je lui ai demandé. Uh-huh. Je lui ai demandé à ma passe. Quand tu as payé, ça, c'est mauvais. Oui. Elle a dit que c'est pas mauvais, au moins, c'est que la lumière est venue. Il dit, gloire à Dieu. Quelqu'un a dit encore des questions? C'est pas la question, on lui donne les cédés. Quoi qu'il y a peut-être quelques cédés là, on lui donne aux frères. Mais ça veut dire qu'ici, alors, il faut vraiment les cédés, pas vrai? Il faut les cédés. Donc, tout simplement. Ce que je vais vous dire, ne perdez pas courage. Évoquez ceux qui sont encore dehors, même ceux que vous voyez partir dans les églises. C'est les religieux. Ils pensent qu'ils partent servir Dieu. C'est une erreur pour eux. Ils ne savent pas seulement. Mais prenez la peine. Il est bien que vous allez parler, peut-être qu'ils ne comprendront pas. Mm-hmm. Mais continuez seulement à mettre la sémence. Mm-hmm. C'est Dieu qui va arroser. Mm-hmm. Donc, continuez à les parler. Les gens souffrent dehors, je vous assure. Quand vous voulez partir dans les églises, moi je dis parce que je suis là-bas et je vois ce qui se passe. Beaucoup partent à l'église croyant trouver une solution. Mais ils partent encore, ils rentrent comme ils sont partis. Ils rentrent vite. Tu te comptes, ils rentrent encore souffrir. Je me rappelle, je causais avec un gars qui est venu dans mon église. Un jour, il m'a dit, ah pasteur, vraiment, vous là, je vous connais. J'ai porté une femme aujourd'hui, les pentecôtistes. Elle m'a dit, il fait le bien-esprit. Mm-hmm. Elle m'a dit, papa. Je préfère encore rentrer dans mon église catholique que j'étais. Je n'avais pas d'enfant. L'église Andokoti m'a dit que je vais accoucher dans 3 mois, je vais achever dans 3 mois. Tout le monde a dit. Quelle église Andokoti? C'est le. Comment? Le prophète Yannou. Non, c'est Eric, non. Ben Eric. Oui, mais. Men Eric. Mais, c'est Men. Donc cette femme-là, c'est plaignée. Elle s'est plaignée que Andokoti m'a dépouillé. Il m'a dit. Et moi, voici, je n'ai pas tué d'enfant. Uh-huh. Pourquoi? Parce que le gars, il dit que. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu lui dis ça? Pourquoi il t'a dit ça? Il me dit que non, je ne sais pas moi. Que, parce que quand on est ensemble, il dit que madame, c'est sûr que tu ne vas pas encore accoucher. Uh-huh. Il dit papa, j'ai accouché. Ça a déclenché. Côté, a déclenché. De quoi tu as fini mon argent? M'a dépouillé. De côté, depuis, on m'a dit que je vais accoucher. Me voici encore aujourd'hui. Je préfère encore rentrer. On a dit dans 3 mois, tu vas accoucher. Oui, donc c'est pour vous dire, frère, franchement, ne cessez pas de parler. Parlez-les. Dites-les quelque chose. Peut-être à travers vous, je pourrais être sauvé. Parce que vous ne devez pas vous traîner. Et les gens qui partent se balader seulement là-bas, à l'église, ils sont pas les, et c'est les religieux. Il n'y a pas encore les chrétiens là-bas. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. C'est les religieux. Ils partent s'asseoir comme ça. On peut même parler. On te demande, on a dit quoi? Il ne peut pas te dire ce qu'on a dit. Parce que pense qu'en partant s'asseoir là-bas, Dieu va le sauver. Or, ce n'est pas ça. C'est Dieu qui peut vous dire ce soir. Gloire à Dieu. Amen. Si tu désires, bien aimé, écouter d'autres messages et prendre d'autres messages, tu peux nous consulter. Contacte-nous sur Skype. Notre Skype, c'est Junior 3. Junior, c'est J-U-N-H-I-O-R-S. Et le chiffre 3, Junior, le pseudo Skype, c'est Junior, je recommence. Junior, J-U-N-H-I-O-R-S. Puis le chiffre 3. Sur Yahoo Messenger également, c'est Junior. Le même Junior, sans cette fois-ci, sans le chiffre 3. Yahoo Messenger, Junior, J-U-N-H-I-O-R-S. Et où vous envoyez un mail, on va vous répondre sur Junior, de la même façon, junior@yahoo.fr. Vous pouvez également contacter par téléphone au +237 qui est l'indicatif du Cameroun. +237 99 30 32 48 94 01 94 40 le 75 87 41 21 75 63 08 86 le 33 13 91 00. Je recommence encore les numéros. 99 30 32 48. Voilà le premier numéro. Deuxième numéro, 94 01 94 40. Troisième numéro, 75 87 41 21. Quatrième numéro, 75 63 08 86. Cinquième numéro, enfin, 33 13 91 00. N'oubliez pas également qu'il y a le compte YouTube. Vous allez sur YouTube, la chaîne YouTube, vous pouvez avoir d'autres enseignements selon que Dieu vous dispose. Allez seulement sur YouTube et tapez Bamba Iba. Bamba Iba, Bamba tel que vous entendez B-A-M-B-A. Et puis vous mettez l'espace, vous tapez Iba, I-B-A. Donc Bamba Iba sur YouTube, vous tapez Bamba Iba. Vous tapez recherche, ça va vous sortir la liste des enseignements que vous pouvez avoir à votre disposition.